transgression est pardonnée, dont le péché est couvert. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute plus sa faute, et dans l'esprit duquel il n'y a plus de fraude ni de vœux. Tant que je me taisais, mes os se consumaient, je gémissais tout le jour. Ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus qu'un désert sans secours. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la faute de ma culpabilité. Ainsi tout homme pieux te pria, au temps où tu te laisses trouver. Quand même de grandes eaux déborderaient, elles ne l'atteindraient pas, car tu l'as caché. Tu es un refuge pour moi, tu me gardes la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance, tu apaises mon. Je t'instruirai, dit l'Éternel, je te montrerai la voie à suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi, ne sois pas comme un cheval sans frein ni livre. Beaucoup de douleurs atteignent le méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa bonté et trouve en Dieu. Réjouissez-vous en l'Éternel juste, poussez des cris de joie.